Je vous montre des objets, vous allez me dire comment ça s'appelle. Shitan pesham dedam pemberen awana tsin. Shitan pesham dedam pemberen awana tsin. La clé. Awa klil. Awa klil. Le verre. Awa pardach. Awa pardach. La montre. Awa sa'at. Awa sa'at. Les lunettes. Awa aynak. Awa aynak. Le téléphone. Awa téléphone. Awa téléphone. Le peigne. Awa che. Awa che. Les ciseaux. Awa makast. Awa makast. Le rasoir. Awa trash. Awa trash. L'enveloppe. Awa zarf. Awa zarf. Le crayon. Awa karam. Awa karam.